إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 33 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam avec le sharh de Cheikh Abdullah Al-Bassam qui s'intitule Taysir Al-Allam. Et donc on est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 67, et le hadith numéro 67 c'est le dernier hadith dans le sharh de Cheikh Al-Bassam par rapport au chapitre au sujet de Istiqbal al-Qibla. Donc c'est le dernier hadith au sujet de Istiqbal al-Qibla. Et donc on a mentionné au dernier cours des hadiths au sujet de Istiqbal al-Qibla, le fait de se tourner vers la Qibla, et on a parlé à ce sujet-là, on a mentionné des choses à ce sujet. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de ce point-là. Et ça c'est le chapitre 9. Le prochain hadith, c'est dans notre prochain chapitre au sujet de Bab As-Sufuf. As-Sufuf, c'est-à-dire les rangs dans la prière. Donc on va commencer avec ce hadith, le hadith numéro 67. Et donc le hadith, c'est An Anas ibn Sirin. قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر أو بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik, et le tabi'i qui l'a rapporté de Anas, c'est un tabi'i qui s'appelle Anas ibn Sirin. Et Anas ibn Sirin, c'est le frère d'un des grands, parmi les grands tabi'in, qui est connu, très connu et très célèbre. Il s'appelle Muhammad ibn Sirin. Donc Anas ibn Sirin, c'est le frère de Muhammad ibn Sirin. Et donc il dit que nous avons accueilli Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui venait de la région de la Palestine et la Syrie. Donc il revenait de là-bas. Donc ça veut dire qu'il venait du nord. Et donc il descendait vers Al-Madina. Et en descendant, le tabi'i, il dit, je l'ai vu et il priait sur un âne, sur le dos d'un âne, et son visage était tourné vers la droite de la Qibla, c'est-à-dire il ne faisait pas face à la Qibla, il faisait face vers vers l'est, hein, il était tourné dans l'autre direction, au lieu d'être tourné vers le sud. Alors, il dit, je t'ai vu et tu priais vers une direction autre que celle de la Qibla. Et il a dit, si ce n'était que j'avais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire cela, je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je ne l'avais pas vu faire cela moi-même, eh bien je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire qu'on a expliqué dans les hadiths précédents, dans le cours précédent, que lorsqu'on fait des nawafil et qu'on est sur le dos d'une monture, que ce n'est plus une condition par la suite de se tourner vers la Qibla à ce moment-là. Et donc, ça c'est pour les nawafil et les prières surérogatoires. Tandis que les prières obligatoires, on est obligé de descendre de la monture et de se tourner vers la Qibla pour la faire. Donc il y a dans les mufradat qui sont mentionnés, le cheikh il en mentionne deux. La première chose qu'il mentionne c'est Anas ibn Sirin, il explique que c'est le frère de Muhammad ibn Sirin. Et le deuxième point qu'il mentionne c'est Ain al-Tamar, et c'est un endroit où Anas ibn Sirin avait vu Anas ibn Malik. Et c'est un endroit en fait, c'est une ville. Il dit Baldatun ala hudud al-Iraq al-Gharbiya yakthuru fiha al-Tamar. Donc c'est un endroit qui est à la frontière de l'Irak, vers l'ouest, et c'est un endroit où il y a beaucoup de dattes. C'est un endroit où il y a beaucoup de dattes. Cheikh il dit al-ma'n al-ijmali, la signification générale de ce hadith. قدم أنس بن مالك الشام ولجلالة قدره وسعة علمه استقبله أهل الشام قدم الشام فاستقبله يعني أهل الشام. Il dit que, donc c'est ça, moi j'ai compris قدم من الشام. Dans le hadith c'est écrit قدم من الشام. Donc, dans la note de bas de page, c'est écrit « هذه الرواية رواية البخاري ورواية مسلم حين قدم الشام بإسقاط الميم قال القاضي عياض وقيل إنه وهم وأن الصواب إثباتها من كما رواه البخاري وخالفه النووي وقال رواية مسلم صحيحة ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. نعم. Donc ici il mentionne qu'il y a deux narrations. La narration d'Al-Bukhari qui dit قدم من الشام et la narration de Muslim qui dit قدم الشام. Et la différence entre les deux c'est une différence dans le sens que قدم من الشام ça veut dire il vient de la Syrie. Tandis que Qadim al-Sham, c'est-à-dire il va en Syrie, il arrive en Syrie. Donc, c'est pour ça donc, qu'il y a cette différence-là. Et Al-Qadi Iyad, il dit que la narration de Muslim, sans le min, que ça c'est un oubli de sa part. Et que qu'est-ce qui est correct? C'est ce que l'imam al-Bukhari a affirmé. Toutefois, Al-Nawawi l'a contredit et il dit que la narration de Muslim, elle est authentique et que ça signifie que il a été rencontré, c'est-à-dire les gens l'ont accueilli lorsqu'il est revenu de Médine, quand il arrivait en Syrie, il arrivait dans la région de Hacham. Donc il y a les deux possibilités. Wallahu a'lam. Et après donc il dit donc Qadima Anas Ibn Malik al-Sham. Donc, dans l'explication du sens général, il dit qu'il est arrivé vers al-Sham. Et étant donné que c'est un sahabi parmi les sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam justement, et qui avait beaucoup de science, hein, et à cause de son grand statut et de sa grande science, eh bien, les gens de la Syrie sont venus pour l'accueillir à son arrivée. Et donc il dit فَذَكَرَ الرَّاوِي وَهُوَ أَحَدُ الْمُسْتَقْبِلِينَ أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّ عَلَى حِمَارٍ وَقَدْ جَعَلَ الْقِبْلَةَ عَنْ يَسَارِهِ فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأنه لو لم يره يفعل هذا لم يفعله. Donc Cheikh il explique ici que donc une des personnes qui est venue pour l'accueillir, et c'est Anas ibn Sirin, et quand il l'a vu en train de prier sur un âne, il l'a vu qu'il était tourné dans une direction à droite de la Qibla. Donc il n'était pas tourné vers la Qibla. Alors il lui a posé la question donc à ce sujet-là, et il lui a dit qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, et que si ce n'était pas que, si ce n'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, il ne l'aurait pas fait lui-même. Donc il le fait uniquement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et ici, le cheikh il mentionne quelques points qu'on peut tirer de ce hadith-là. Et donc parmi les points qu'il a mentionnés, il dit, il y en a trois. Il y a trois points qui sont mentionnés ici. Donc c'est ça, le cheikh Al-Bassam, il mentionne ici, il dit « ثم تبين لنا أن الذي استقبله هو أنس بن سيرين من البصرة استقبله حين رجوعه من الشام على ما ذكروا أنه مولى لأنس بن مالك. » Donc ici il mentionne que par la suite on a clarifié que celui qui l'a accueilli c'était Anas ibn Sirin, qui était de la ville de Basra, et il l'a accueilli lorsqu'il revenait de la Syrie. Et donc ça c'est pour confirmer, parce que en fait il était le servant de Anas ibn Malik. Anas ibn Sirin était le servant de Anas ibn Malik, donc ça confirme qu'il venait de la Syrie et non pas qu'il arrivait en Syrie. Donc ça c'est pour qu'on clarifie la situation. Donc en ce qui concerne les points qu'on peut tirer de ce hadith là, il dit al-hadith lam yubayyin salata Anas hadhihi fard hiya am nafl wa min al-ma'lum annaha nafl li'anna al-ma'hud min fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi ra'ahu Anas wa ghayrihi. Donc il dit que dans le hadith, premièrement, c'est pas clarifié si c'était une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, mais qu'est-ce qui est connu, c'est que c'était une prière surérogatoire, car l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'est-ce que Anas a vu de lui et d'autres, c'est qu'il priait uniquement les prières de nawafil à dos de monture et non pas les prières obligatoires. Le point numéro 2, أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته. Le point numéro 2, c'est que la qibla de la prière qui fait une prière surérogatoire lorsqu'elle est sur une monture, c'est la direction dans laquelle sa monture se dirige. Donc c'est ça sa qibla pour lui. Donc, et le troisième point, جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو حمارا. Donc le troisième point, c'est qu'il est permis de faire une prière surérogatoire sur le dos d'une monture en voyage, même si c'était un âne. Et le cheikh, donc on passe maintenant au chapitre suivant qui est Bab al-Sufuf, le chapitre au sujet des rangs dans la prière et de les redresser. Donc le cheikh il mentionne maintenant le hadith numéro 68, an Anas ibn Malik, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc ça c'est le hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait sawu sufufakum, c'est-à-dire redressez vos rangs, car le fait d'égaliser les rangs dans la salat, ça fait partie de qu'est-ce qui complète la prière. Donc c'est très important de redresser les rangs avant de commencer. Et c'est triste parfois de voir que certaines personnes sont impatientes lorsqu'on établit les rangs et qu'on essaie de redresser les rangs dans la salat, et quand les gens voient que ça prend plus de temps que d'habitude, ils commencent à faire des soupirs d'impatience. Ils ne réalisent pas que ça fait partie de compléter la salat et de parfaire la salat. Surtout quand il y a plusieurs rangs. Des fois, il y a des mosquées où, par exemple, il y a 5-6 rangs pour la prière. Donc, il faut prendre le temps de bien redresser les rangs et de faire, tout ce qu'il faut pour que les rangs soient droits et qu'il n'y ait pas d'espace entre les gens dans les rangs et que les rangs soient pas croches. Donc ça, c'est très important. Et le cheikh, il explique le sens général de ce hadith. المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة أو بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدا ويسد خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il indique à sa umma ce qu'il y a pour eux ce qu'il y a de bien et de bon pour eux et ce dans quoi il y a le succès pour eux, et il leur ordonne donc de redresser les rangs dans la prière pour que leur rang soit comme un seul mur, yani, qui fait face à la Qibla, et qu'il ne laisse pas d'espace entre eux pour que les diables ne puissent pas venir et déranger leur prière ou jouer avec leur prière. Et le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il indique aux musulmans certains des bienfaits qu'il y a dans l'établissement des rangs et dans le fait de les redresser. Et ça, c'est premièrement le fait que en complétant les rangs et en les redressant, il y a un signe de perfection de la prière et du fait de compléter la salat. Et quand il y a des inégalités dans les rangs et qu'il y a des espaces dans les rangs, eh bien ça veut dire qu'il y a un manque dans la prière aussi. La prière va être déficiente à cause de ça. Et le cheikh il dit ensuite les points qu'on peut tirer de ce hadith là. Il en a mentionné 5. Le premier, mashru'iyyatu ta'dil as-sufuf fi as-salah bi'i'tidal al-qa'imin biha 'ala simat 'ala samtin wahida min ghayri taqaddum wa la ta'akhur. Donc il dit que il est légiféré d'égaliser les rangs de la salat et de faire en sorte que les gens qui sont dans les rangs soient à égalité les uns à côté des autres, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus en avant ou un plus en arrière, mais qu'ils soient tous à égalité. Le deuxième point, أن تسويتها سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحبا كما هو مذهب الجمهور وقيل بوجوبه لحديث لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Donc le cheikh il explique que d'égaliser les rangs, c'est une des causes qui fait que la prière est plus parfaite et complète. Et donc il dit dans ce cas là c'est quelque chose de recommandé selon la majorité des ulama. Et certains ont mentionné que ce serait obligatoire même, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis une menace sur le fait de ne pas les redresser. Il dit vous allez redresser vos rangs, sinon Allah va diviser il va mettre de la divergence entre vos visages. Et dans une autre narration, entre vos cœurs. Donc, ça veut dire que ce serait une obligation dans ce cas-là. Et le point numéro 3, كَرَاهِيَةُ عُوِجَاجِهَا وَأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ. Donc, le fait qu'il y ait des inégalités dans les rangs, que ça c'est quelque chose de détestable et que c'est quelque chose qui représente une déficience et un manque dans la salat. Le point numéro 4, فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَ. فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَ, c'est-à-dire le mérite de la prière en groupe. Et dit وذلك لأن الأجر الحاصل من تعضيل الصف متسبب عن صلاة الجماعة. Le cheikh explique que dans ce hadith il y a aussi le mérite de prier en groupe, de prier en jama'a, et que la récompense qu'on obtient par le fait de yani, redresser les rangs et de les égaliser, eh bien ça c'est quelque chose qui vient du fait qu'on prie en groupe, parce que si tu pries tout seul, yani, tu peux pas égaliser les rangs, et donc tu manques cette récompense là et tu manques cette sunna d'égaliser les rangs lorsque tu pries seul. Le cheikh il dit également وقيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة كما تصف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Donc on a dit que une des sagesses qu'il y a dans le fait d'égaliser les rangs, c'est que nos rangs soient en accord avec l'exemple des rangs des anges quand ils se mettent en rang. Et c'est rapporté selon Muslim, ou c'est rapporté par Muslim selon Jabir radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers eux et il leur a dit: n'allez-vous pas vous mettre en rang de la manière que les anges se mettent en rang auprès de leur Seigneur? Et nous avons dit: ô messager d'Allah, et comment les anges font-ils leur rang auprès de leur Seigneur? Eh bien, il a répondu en disant: ils se mettent ils complètent leur rang, les premiers, en commençant par les premiers, hein, donc ils complètent les rangs en commençant par les premiers, puis ils se serrent dans les rangs, ils se serrent les uns les autres dans les rangs. Donc c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas d'espace et ils complètent chacun leur rang. Donc ils ne vont pas commencer un deuxième rang quand le premier rang n'est pas encore complet. Donc ça c'est le premier hadith dans ce sujet-là. Le hadith suivant, c'est le hadith 69. Et le cheikh il dit: وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام ثم كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Donc, le cheikh il explique que An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma, il dit: nous avons entendu le messager d'Allah qui disait: certes vous allez redresser vos rangs ou sinon Allah va diviser ou mettre la divergence entre vos visages. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est rapporté également par Muslim le même hadith, mais avec l'histoire qui mentionne ou qui explique le contexte de ce hadith, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez redresser vos rangs, hein, c'est-à-dire il redressait les rangs des gens jusqu'à ce que il les redressait comme on redresse une flèche hein, quand on veut la mettre droite. Et donc il dit jusqu'à ce que il ait vu que nous avions compris, c'est-à-dire il nous a enseigné de redresser nos rangs avant la prière jusqu'à ce qu'on commence à comprendre hein, qu'on doit redresser nos rangs. Puis une fois il est rentré, un jour il est sorti plutôt vers nous hein, il est rentré dans la mosquée, puis il allait juste au moment où il allait faire le takbir hein, dire Allahu Akbar, donc juste au moment où il allait commencer pour la prière, et il a remarqué que quelqu'un avait sa poitrine qui était un peu en avant hein, qui sortait des, qui dépassait le rein. Alors qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit, serviteur d'Allah, vous allez redresser vos reins ou sinon Allah va mettre la divergence entre vos visages. Et donc c'est pour dire que il fallait redresser les reins, et donc ça c'est très important avant de commencer la salat. Les points qui sont mentionnés dans ce hadith-là, certains vocabulaires, premièrement, le cheikh il explique quelques vocabulaires. Il dit « aqalna hatta ra'a an qad aqalna anhu »« aqalna bi fath al-qaf » ay fahimna ma amarana bihi min at-taswiyati wa min ja'al min wa man wa man ja'alahu bil 'ayni bil 'ayni thumma ata bil fa wa qara'a 'afalna fa innahu tashif, donc c'est ça veut dire jusqu'à ce qu'il voit que on a compris que il faut redresser les reins. Donc il les a éduqués, il leur a enseigné comment redresser les reins jusqu'à ce qu'ils comprennent comment le faire par eux-mêmes par la suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin de leur montrer à chaque fois, ils ont compris comment le faire et qu'ils devaient redresser leurs reins. Sauf que s'ils voyaient par la suite que quelqu'un n'était pas bien droit, il faisait le rappel dans ce cas-là. Et donc ici, le cheikh, il mentionne que certains ont dit, au lieu de « aqalna », ils ont dit « afalna », et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et après, il dit « wala tusawwunna »« la tusawwunna bi dhammita al-muthanna al-fawqiyya »« wa fathi s-sin al-muhmala » »« wa dhamm al-waw al-muthaqqala » وتشديد النون وهي نون التوكيد الثقيلة وفي أوله لام القسم. Donc la tusawwunna, le lam au début c'est le lam du serment, donc c'est comme s'il disait je vous jure par Allah que si vous redressez pas vos reins, eh bien Allah il va diverger, il va mettre la divergence entre vos visages, parce qu'il dit au أو إسي أو للتقسيم للتقسيم أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما. Donc il dit لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Ça veut dire que c'est une des deux choses qui va arriver. Soit vous mettez vos reins droits, ou soit Allah il va mettre la divergence entre vos visages. Hein? Ou sinon, oui c'est ça, exactement. C'est comme si c'était dans le sens de sinon. Et il dit le quatrième chose, c'est wa ka'annama hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Donc il dit al-qidah siham al-khashab حيث تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها ويعني أنهم يكونون في عدالتهم واستوائهم على نسق واحد. Donc il donne l'exemple comment il redressait les reins, comme s'il comme il redressait une flèche lorsqu'elle n'est pas droite. Hein? Et s'il y avait quelque chose de croche dedans, il allait la dresser. Donc c'est dans ce sens-là. Le sens général de ce hadith, le cheikh il dit في هذا وعيد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة، فقد أكد صلى الله عليه وسلم أن من لم تعدل إن لم تعدل الصفوف وتسوي فليخالفن الله بين وجوه الذين عوجت صفوفهم فلم يعدلوها، وذلك بأنه حينما تقدم بعضهم على بعض في الصف فيعني يفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء، فتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Donc le cheikh il explique que barakallahu fik. Je te remercie. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a une menace pour ceux qui ne redressent pas leur rang quand ils font la prière, et il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela, hein, qu'il faut redresser les rangs et égaliser les rangs, et que si on ne le fait pas, Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre la divergence. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre la divergence entre les visages de ceux dont les rangs sont inégales, et qui n'ont pas égalisé leurs rangs. Et donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et quand il arrivait, il redressait les rangs. Et si il explique qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne redresse pas les rangs. Il dit que s'il y en a un, par exemple, une personne qui est en avant de l'autre et qu'il dépasse les autres dans le rang, c'est comme s'il fait ça par orgueil ou par arrogance. Et tandis que la personne qui est un petit peu en arrière de lui, il va regarder l'autre avec son arrogance ou bien avec avec de l'animosité et de la haine à cause de ça, parce qu'il va dire: pourquoi lui il se devance, pourquoi lui il se met en avant des autres, alors il va le détester à cause de ça. Et donc ça va faire de la divergence entre les cœurs, et ça va être suivi par la suite par de la divergence entre les visages à cause de l'animosité qui en découle. Et donc ça va ramener quoi? Ça va ramener de la séparation et de la division entre les croyants. Et donc, on perd l'objectif et le but de prier en groupe dans ce cas-là, qui est l'amour et la relation, la connexion entre les croyants. Parce que ça, c'est un des buts pour lequel on prie en groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous dire: chacun priez chez vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on prie en groupe. Pour quelle raison? Pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres, pour qu'on puisse se communiquer et rester en contact les uns avec les autres. Parce que cette religion, elle nous encourage à la jama'a, elle nous encourage au groupe. Donc lorsque il y a des gens qui ne sont pas à égalité dans les rangs, eh bien ça crée de la division. Et le cheikh, il dit, ça crée de la division, et en même temps ça reflète, de la division, parce qu'on n'est pas capable de se mettre à égalité. Donc ça c'est une leçon, et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la rétribution de ce qu'on mérite selon l'action qu'on fait. Donc si on fait du bien, si on se met égal, Allah il nous récompense, et si on se met pas à égalité et qu'on est divergent dans nos rangs, il nous punit en mettant la discorde et la divergence entre nos visages. Ensuite le cheikh il dit wa qad kana sallallahu alayhi wa sallam yuallimu ashabah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseignait ses compagnons par la parole, et il leur enseignait également par l'action, par l'exemple. Et il redressait les rangs avec ses mains, hein, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensé que les gens avaient compris. Et il a constaté une fois qu'un homme était en avant des autres dans le rang et que sa poitrine dépassait les autres dans le rang. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé ça, il a été en colère. Et il a dit, vous allez remettre, je jure que vous allez mettre vos rangs droits, ou sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la divergence entre vos visages. Donc c'est très sévère. C'est-à-dire que c'est très important de faire attention à ça. Tandis que tu vois que parfois les musulmans, certains musulmans, ils prennent ça à la légère. C'est pas grave, fais la prière. Commence la prière. Pourquoi tu attends, hein? Et toi tu veux que les musulmans se mettent à égalité dans le rang et qu'ils redressent le rang, et eux ils sont pressés. Dépêche-toi à faire la prière. On est pressé, hein? Subhanallah. Ça c'est une adoration. Il ne faut pas la faire n'importe comment. Il faut la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et si on la fait n'importe comment, et puis qu'après les rangs ne sont pas égaux, et puis après ça crée des discordes entre les croyants et des conflits. Et on n'établit pas la sunna comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Non. En fait, il faut redresser les rangs, pas seulement au début de la salat, mais pendant toute la salat, jusqu'à la fin. Donc à chaque fois que tu te relèves, tu dois vérifier que tes pieds sont collés avec la personne à côté de toi. Parce que j'ai constaté que parfois les gens au début de la salat ils sont à égalité, puis pendant la salat après ils s'avancent, ils se reculent et ils font pas attention est-ce qu'ils sont un à côté de l'autre ou non. Donc ça aussi c'est important. Et le cheikh il dit les points qu'on peut tirer de ce hadith. الشيخ يقول الأحكام المأخوذة ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها وللوعد الشديد للوعد الشديد. Donc le sens apparent du hadith indique l'obligation de redresser les rangs et l'interdiction de les laisser croches ou bien avec des inégalités dedans, et il y a à ce sujet là une menace sévère. ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لعوجاجها وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الشيخ il y a par contre certains hadiths authentiques qui indiquent que la sévérité de cette interdiction là est allégée qu'elle détourne vers plutôt le fait d'être recommandé, c'est-à-dire que au lieu d'être obligatoire, que c'est quelque chose de recommandé. Et que de ne pas le faire, c'est-à-dire de ne pas redresser les reins, c'est quelque chose qui est fortement détestable. Et c'est tiré du hadith qu'on a lu précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » C'est-à-dire de redresser les reins et d'égaliser les reins de la prière, ça fait partie de ce qui vient compléter la salate et parfaire la salate. Donc, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de perfectionnement. Donc, ça veut dire que ce serait recommandé de le faire et non pas obligatoire de le faire. Le cheikh, il dit, en note de bas de page à ce sujet, il dit « ثم ظهر لنا أن حديث تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يفيد التخفيف من حدة التأكيد لتسوية الصفوف فإتمام الصلاة واجب متأكد. » Il dit puis par la suite, parce que des fois le cheikh il a écrit le livre, puis par la suite il a revisé qu'est-ce qu'il a écrit, et il a constaté que parfois il a constaté que ce qu'il avait écrit c'était incorrect. Alors il le met en note de bas de page pour clarifier. Donc ici il dit, puis par la suite on a constaté que le hadith qui dit que d'égaliser les rangs dans la salat, ça, quand on dit que c'est pour compléter ou pour parfaire la salat, ça ne veut pas dire que ça allège la sévérité de yani l'obligation, puisque de compléter la salat c'est quelque chose qui est obligatoire aussi, hein? Donc c'est une obligation de redresser les rangs dans la salat et non pas quelque chose de recommandé. Il mentionne comme deuxième point de qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith sur les cinq, le point numéro 2, c'est شِدَّةُ اهْتِمَامِهِ صلى الله عليه وسلم بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَقَدْ كَانَ يَتَوَلَّى تَعْدِيلَهَا بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ من وظيفة الإمام. Donc le cheikh il dit que on voit la grande importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné au sujet d'égaliser les rangs et d'établir les rangs, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait lui-même avec sa main. Et ça indique une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée il ne faisait pas des lignes par terre pour redresser les rangs. Il redressait les rangs lui-même avec sa main. Et ça vient confirmer que de redresser les rangs sans ligne, ça fait partie d'établir la salat. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement pressés, ils n'ont pas le temps de rien faire, et ils ne prennent pas le temps de le faire non plus. Donc, ils veulent que les lignes soient, qu'il y ait des lignes là pour qu'ils n'aient pas besoin de faire l'effort de se redresser. Mais dans le fait de se mettre droite et d'égaliser nos rangs, il y a dans ça une éducation pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire ça pour qu'on apprenne la discipline, pour qu'on apprenne à se mettre égal, pour qu'on apprenne à se mettre droit. Et il nous a dit, pourquoi ne vous mettez-vous pas à égalité dans vos rangs de la même manière que les anges le font auprès de leur Seigneur? Est-ce que les anges font des lignes pour se mettre droite? Hein? Non. Donc ça c'est un exemple pour nous de faire l'effort. C'est une question de faire l'effort. Et en faisant cet effort-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour ça. Il y a une récompense pour nous là-dedans. Et il y a une éducation pour nous là-dedans aussi. Donc il ne faut pas, comme certains, qui, comme je disais tout à l'heure, qui s'impatientent quand ils voient que l'imam tarde un peu plus pour établir la salat, peut-être une minute ou deux, hein, pour essayer de redresser les rangs, et ils perdent patience. Hein. Pourquoi ils ne commencent pas la prière? Parce que de faire les rangs droits, ça fait partie de la prière. Ça fait partie de qu'est-ce qui vient parfaire la prière. Donc ça mérite que on prenne un peu de temps pour le faire. Et il n'y a pas de perte de temps là-dedans. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Donc le cheikh il dit ensuite, Naam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le redressait le rang avec sa propre main. Il venait, il avançait un, il reculait l'autre, et il mettait le rang droit pour être certain qu'il n'y a personne qui est trop avant, en avant ou trop en arrière, et que le rang est parfaitement égal. Après, il dit que ça indique que c'est un des rôles et des tâches de l'imam. L'imam, c'est une de ses responsabilités, c'est de veiller à ce que les rangs soient droits et de les redresser s'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Il dit le point numéro 3, inna al-jaza'a min jins al-amal faqad tawa'ada bi mukhalafati wujuhihim muqabila mukhalafati sufufihim. Donc une des preuves que la rétribution elle va toujours correspondre à tes œuvres. Si tu fais du bien, tu vas être récompensé par le bien. Si tu fais du mal, tu vas être puni par un châtiment qui correspond à l'action que tu as faite. Donc là, c'est ça que ça veut dire al-jaza ou min jins al-amal. Souvent les ulama ils mentionnent ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas recevoir comme punition ou comme récompense, c'est quelque chose qui correspond à l'action que tu as fait. Donc si tu as fait du bien, tu vas avoir une récompense qui correspond à ce bien. Si tu as fait du mal, tu vas avoir une punition qui correspond à ce mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste envers personne. Il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Le point numéro 4, غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف فيقتضي الحذر من ذلك. Le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis en colère parce que les rangs n'étaient pas droits. Et donc ça indique qu'il faut faire attention à ce que nos rangs soient droits. Hein, c'est ce que ça implique. Après le point numéro 5, فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. C'est-à-dire que l'imam il a le droit de parler. Ça c'est la preuve qu'on a le droit. L'imam il a le droit de parler entre l'iqama et l'établissement de la salat. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin qui se présente. Donc s'il y a un besoin qui se présente, tu parles. L'imam peut parler, il n'y a pas de problème. Donc il dit, est-ce que vous avez redressé les rangs? Hein? Et il regarde. Et s'il y a plusieurs rangs, il regarde en arrière aussi. Et même, j'ai vu dans certaines mosquées, l'imam il désigne des gens pour vérifier dans les autres rangs, est-ce que le rang il est droit, et d'aller vérifier, même de redresser le rang si c'est plus en arrière, si l'imam ne peut pas aller jusqu'en arrière, quelqu'un qui est chargé de le faire en arrière aussi. Donc ça c'est très important. Ensuite il y a un autre hadith, il y a encore deux hadiths dans ce chapitre, il nous reste deux hadiths, donc je ne sais pas si on aura le temps de les lire tous, mais Inch'Allah, on va essayer de les terminer si c'est possible. Le hadith suivant, c'est le hadith 70. Le hadith au Sab'oun. Et le Cheikh, il dit An Anas ibn Malik, An Anas ibn Malik, radiallahu anhu, An jaddatahu Mulaika, da'at Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, li ta'amin sana'athu lahu, fa'akala minhu, thumma qal, Qumu. فلأصلي لكم قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه البخاري ومسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه مسلم واليتيم هو دميرة جد حسين بن عبد الله بن دميرة. Donc le cheikh il explique que le hadith suivant, le hadith 70, c'est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et que sa grand-mère Mulaika avait invité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour manger un repas ou de la nourriture qu'elle avait préparée pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est allé et il a mangé de cette nourriture, puis il a dit levez-vous pour que je prie pour vous, hein? Donc il s'est levé et tout le monde s'est levé, et il dit Anas radiallahu anhu qu'il a pris un tapis, hein, un genre de tapis fait en paille, hein, et il était devenu noir à force d'être resté inutilisé. Depuis longtemps, on ne l'avait pas pris. Alors, il a envoyé un peu d'eau dessus pour le nettoyer. Puis, il s'est levé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé dessus, puis il a fait les rangs. Il dit, j'ai fait un rang moi avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis yani, l'orphelin qui était derrière nous, il y avait un Doumeira, un enfant qui était orphelin qui était derrière, et Al-Ajouz qui était derrière aussi, c'est-à-dire la grand-mère de Anas qui était derrière les hommes. Il dit, on a fait raka'atayn, c'est-à-dire on a prié deux raka'at, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Et dans la version de Muslim, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié et que Anas était à sa droite, puis la femme était derrière. Donc ça c'est le hadith en question. Puis il explique que l'orphelin c'était Doumeira, le grand-père de Hussein ibn Abdullah ibn Doumeira. Ok, dans ce hadith-là, le seul terme qui est expliqué c'est فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ et النَضْحُ هُوَ الرَّشِّ وَيُرَادُ بِهِ الْغُسْلُ. Donc النَضْح ça veut dire d'asperger de l'eau sur quelque chose, d'accord. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ici, c'est de le laver. Donc on a lavé ce genre de tapis qui était tressé avec soit de la paille ou bien avec d'autres choses. Et il dit فمعنى الإجمال للحديث دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق ومنها التواضع الجم فكان عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير ويريد بذلك الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من وعليكم السلام ورحمة الله من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامها ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث فغسله فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز صاحبة الدعوة وراء أنس واليتيم تصلي معهم فصلى بهم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم صلى الله عليه وسلم ومن الله علينا باتباعه في أفعاله وأخلاقه. Donc le cheikh il explique que le sens général de ce hadith c'est que cette femme, la grand-mère de Anas, Mulaika radiyallahu anha, elle a invité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour manger. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la noblesse de son caractère et les plus hauts degrés du bon comportement et avec sa modestie, il a répondu à cette invitation de cette femme. Et il répondait à l'invitation des plus vieux et des plus jeunes, des hommes et des femmes, des riches et des pauvres. Et il voulait par cela des objectifs nobles et des intentions importantes. Donc il faisait ça pour réconforter les cœurs des gens qui étaient malheureux et pour en même temps montrer son humilité envers les pauvres et pour enseigner ceux qui étaient ignorants, et ainsi que d'autres objectifs et d'autres intentions qui étaient louables également. Et donc il est venu à il a répondu à l'invitation de cette dame, et il a mangé de sa nourriture, et il a profité de l'occasion pour manger de son invitation et pour lui apprendre également. Il dit ici dans la note de bas de page: وَقَدْ صَرَحَ بِهِ أَنَّهَا جَدَّةُ أَنَسْ خِلَافَ الْمَشْهُورِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ إِسْحَاقِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي طَلْحَ عَنْ أَنَسْ فَالضَّمِيرُ مِنْ جِدَّتِهِ يَعُودُ إِلَى إِسْحَاقِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهِيَ أُمُّ أَبِيهِ وقال وعليكم السلام ورحمة الله وقال ابن عبد البر وعياض والنووي كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق فيعود الضمير عليه فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه. نعم ذكر بعضهم أنها جدة أنس أم أمه وهي جدة لإسحاق أم أبيه فينبغي ذكر إسحاق للخروج من الخلاف. Donc en fait c'était la grand-mère de Ishaq ibn Abdullah, la mère de son père et non pas la grand-mère de Anas. Donc c'est ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a mangé de la nourriture de cette dame, et en même temps il en a profité pour leur enseigner comment faire la salat, hein, parce que les faibles, les pauvres, parfois si les grands parmi les sahaba et les gens importants qui sont réunis, eux ils ne peuvent pas venir parmi eux, donc le prophète sallam il en profite quand il est avec des gens comme eux qui sont des gens modestes et simples, donc de leur donner la possibilité d'apprendre de lui. Et donc il leur a ordonné de se lever pour qu'ils puissent faire la prière avec eux et pour qu'ils puissent en même temps apprendre comment il fait la prière. Et il s'est donc, Anas s'est donc levé vers un tapis, un genre de tapis hassid, pour faire la salat. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été utilisé, donc il l'a nettoyé un peu. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier dessus. Et il a fait un saf avec Anas à côté de lui, et également l'orphelin qui était là, et la dame qui est restée derrière eux, hein, la vieille dame qui est restée derrière eux. Et donc ils ont prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 2 rak'at, puis ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti, et donc il a répondu à l'invitation et il a enseigné ces gens-là en même temps. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse la faveur de le suivre dans ses actions et dans son comportement, parce que ça fait partie de la sunna de répondre à l'invitation de quelqu'un, peu importe que ce soit quelqu'un de riche ou de pauvre, de modeste ou de riche, hein, peu importe la situation. Parce qu'il y a des gens, si quelqu'un d'important ou un riche va les inviter, ils vont venir. Mais si c'est quelqu'un de pauvre, ils ne vont pas venir à l'invitation. Hein? Et ça, ce n'est pas correct. Le cheikh, il dit: اختلاف العلماء. ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنافلة. مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنس لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل عملا بهذا الحديث، وعدم صحة مصافته في الفرض. وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكامهما واحدة، ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص. لذا فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب في القواعد. Donc le cheikh il explique que premièrement, parmi les divergences entre les ulama à ce sujet, au sujet de ce qui est mentionné dans un des points qui est mentionné dans ce hadith-là, c'est le fait que la majorité des ulama, ils considèrent qu'il est, il est valable que l'enfant soit dans les rangs de la prière, que ce soit une prière surérogatoire ou une prière obligatoire. Dans les deux cas, c'est permis. Et ils se basent sur ce hadith-là pour justifier que c'est correct. Et c'est un hadith sahih. Et ici, Anas, il a décrit son compagnon comme étant un orphelin. Et il dit par la suite que dans le madhab al-Hanbali, habituellement, ils acceptent si c'est une prière, ils disent que c'est accepté si c'est une prière surérogatoire, que l'enfant soit dans le rang, en agissant selon le hadith. Toutefois, ils disent que dans la prière obligatoire, que ce n'est pas valable. Dans la prière obligatoire, que ce n'est pas valable. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le cheikh explique que, comme on l'a mentionné préalablement, les règles qui concernent la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, elles concernent la prière obligatoire aussi. Donc si une chose s'applique à l'une des deux, elle s'applique aux deux, excepté s'il y a une preuve pour spécifier que ça s'applique seulement à une des deux. Comme par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose dans la prière surérogatoire, c'est la preuve qu'on peut le faire dans la prière obligatoire. Et s'il l'a fait dans la prière obligatoire, c'est la preuve qu'on peut le faire dans la prière surérogatoire, excepté s'il y a une preuve qui spécifie que c'est seulement pour une de ces deux-là, que tu ne peux pas le faire dans l'autre. Alors dans ce cas-là, tu dois dire que ça c'est spécifique. Comme l'exemple de la prière sur la monture et que tu n'es pas en direction de la Qibla, ça c'est spécifique à la prière surérogatoire et on a la preuve puisque dans le hadith c'est spécifié. Donc ça veut dire que ça c'est spécifique à la prière surérogatoire, les nawafil. Tandis que dans le cas de la prière de l'enfant dans le rang avec les adultes, il n'y a pas de preuve pour spécifier que c'est seulement permis dans les prières surérogatoires et non dans les prières obligatoires. Et donc le cheikh dit ici, étant donné qu'il n'y a pas de hadith qui prouve que c'est spécifique à l'une en dehors de l'autre, alors dans ce cas-là, on ne peut pas accepter cette règle qui fait la différence entre les deux. Et donc, qu'est-ce qui est correct dans cette question-là? C'est la position du Jumhur, c'est-à-dire la position de la majorité des ulamas qui ne font pas de distinction entre l'enfant qui prie dans les rangs pendant la prière surérogatoire ou la prière obligatoire. Et c'est la position qui a été également acceptée parmi les ulamas des Hanabila comme Ibn Aqil et également Ibn Rajab dans Al-Qawa'id. Il a supporté cette position-là aussi, contrairement aux autres savants des Hanabila. Ensuite, le cheikh il mentionne les points qu'on peut tirer de ce hadith-là. On va y aller rapidement. صحه مصافه الذي لم يبلغ في الصلاه لان اليتيم يطلق على من مات ابوه ولم يبلغ. Donc la permission de mettre un enfant qui n'a pas atteint la puberté dans les rangs, parce que al-yatim, l'orphelin, habituellement on l'utilise pour l'enfant qui n'a pas dont les parents sont morts et qui n'a pas encore atteint la puberté. Le point numéro 2, ان الافضل في موقف المأمومين ان يكون خلف الامام. La meilleure position pour la personne qui fait partie des prieurs qui sont derrière l'imam, c'est qu'il soit derrière et non à côté de l'imam. Le point numéro 3, ان موقف المرأة يكون خلف الرجال. Dans la prière en groupe, la position de la femme, c'est d'être derrière les hommes. Ça, c'est dans la salat, en groupe. Le point numéro 4, صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة. فإن كن أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. Donc si la femme elle est toute seule derrière, c'est correct, sa prière va être correcte. Du moment qu'elle est seule, elle peut prier seule derrière les rangs, c'est pas grave. Mais si elles sont plusieurs femmes, dans ce cas là elles doivent redresser leur rang et établir le rang qu'elles font derrière les hommes. Le point numéro 5, جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها الاجتماع إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة. Donc le cheikh il dit que c'est permis de prier en groupe pour la prière des nawafil, même si ce n'est pas légiféré de la faire en groupe, mais si on le fait une fois comme ça de temps en temps, c'est-à-dire si on le fait une fois comme ça sans que ça devienne une habitude perpétuelle, dans ce cas-là c'est correct. Après le point numéro 6, il dit le cheikh جواز الصلاة لقصد التعليم بها أي أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة. La permission de faire la salat dans l'intention d'enseigner la prière ou d'autres parmi les objectifs ou les buts qui sont religieux et qui sont bénéfiques. Le point numéro 7, تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وكرم خلقه. La modestie du prophète صلى الله عليه وسلم et la noblesse de son caractère et de son comportement. Et le dernier point, le point numéro 8, استحباب إجابة دعوة الداعي ولا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم وتطمين قلوبهم ما لم تكن وليمة عرس وعند ذلك تجب إجابة الدعوة. وينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات وتصحيح النية فبذلك يحصل للمجيب خير كثير خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام. Donc ici il dit le cheikh que il est recommandé de répondre à l'invitation, en particulier pour celui que si il répond, il va apaiser les sentiments des gens et apaiser leur cœur. Et il dit tant que c'est pas l'invitation à une fête de mariage, parce que l'invitation à la fête de mariage elle est obligatoire. Donc si quelqu'un t'invite à une walima, tu dois répondre à l'invitation. Il dit et il faut aussi tenir compte ici des situations dans ces occasions là et de corriger notre intention pour parce que yani si tu fais ça, yani si tu réponds à l'invitation de celui qui t'invite, eh bien ça peut avoir un impact important sur les gens, et en particulier si la personne qui est invitée et qui répond à l'invitation est quelqu'un d'important. Donc par exemple toi tu es une personne modeste et tu invites quelqu'un d'important chez toi pour qu'il vienne manger ou qu'il vienne yani te visiter, donc ça c'est quelque chose, si la personne elle vient, c'est sûr que yani pour toi ça va être ça va avoir un impact très important. Donc si la personne qui est invitée elle tient compte de ça, ça peut être quelque chose qui est très bénéfique, et Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله